On va parler avec notre collaborateur Joe Hardy, c'est la chronique du mercredi de la Ligue nationale. Salut Joe! Salut jeune homme, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Joe, j'étais à Shawinigan en fin de semaine pour le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et je sais que tu es un petit peu décroché de la Ligue junior majeur du Québec, mais tu as déjà été là et tu as déjà vécu un repêchage de la Ligue junior majeur du Québec à quelque part, non? Ouais, je n'ai vécu plusieurs, ouais. 14 rondes, c'est-tu trop? Ben, à quoi ce serait facile de dire oui là, quand tu penses 14 rondes, mais... Tu sais, à quelque part, là, entre toi et moi, il faut qu'il vide tout ce qu'il y a à vider de joueurs. Non, mais t'es déclaré joueur autonome, puis ils ont le droit de négocier. Moi, j'en mettrais ça à 10 rondes, puis les 4 dernières rondes, j'ai déclaré joueur autonome. Joueur autonome, c'est toujours la même chose. Hein. Les équipes plus argentées vont avoir plus de chances de signer les gars en offrant peut-être des choses que tu fais, en tout cas. Moi, je pense qu'à ce compte-là, puis juste quand tu me parles de ça, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que je parlais justement de ça ce matin avec quelqu'un qui suit le hockey junior beaucoup. Puis pas qu'on parlait du nombre de rondes de repêchage, mais que, tu sais, exemple, moi, quand j'ai coaché à Shawinigan, entre autres, je suis directeur gérant coach, on reçoit des appels, là, même pas de nos dépisteurs, tu reçois un appel, là, mettons, j'avais eu un appel d'un gars de Bécomo qui me disait qu'il connaissait un gars, un joueur qui avait 20 ans, qui jouait, je ne sais pas dans quel coin, dans ce coin-là, que personne ne l'avait jamais repêché, tu sais. Alors que maintenant, aujourd'hui, là, depuis, mettons, les années 2000, depuis qu'ils font le nombre de rondes de même, là, c'est que t'en échappes à peu près pas. Ça veut pas dire, tu sais, il n'y a pas personne qui va pouvoir dire après, ben, tu sais, il n'y a pas personne qui m'a vu, ils me connaissaient pas, là, ils les connaissent tous les joueurs. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça que là-dessus, c'est long, mais au moins t'es couvert. Tu sais, il n'y a pas de parents qui peuvent aller à la télé maintenant parce que tout le monde, c'est pas long, hein. Et, à la télé, ils disent, ah, moi, mon gars, il n'y a pas personne qui a donné une chance. Regarde, puis, il y a l'aspect aussi quand tu as joué au hockey. Moi, j'ai joué junior aussi, comme la plupart des joueurs qui ont joué pro. C'est que l'aspect d'être repêché, c'est une fleur à ton chapeau. Ça oui. fait plaisir. T'sais? Mais, c'est ça que le monde me dit, mais le monde me dit exactement la même chose, Joe. Mais quelque part, le repêchage de la Ligue nationale, c'est la même affaire. Le repêchage de la NFL, c'est la même affaire. Le repêchage de bien des ligues, c'est bien... Puis il y en a, c'est toujours le même cas. Il y a des joueurs qui partent la tête entre les deux jambes. Ça fait partie de la vie, quoi. Non, ça c'est sûr qu'il y a des gars qui s'en vont. Mais tu sais, en tant qu'organisation, puis les organisateurs, les dirigeants de chaque équipe, tu veux pas que ça arrive que tu n'aies manqué. Tu sais, quand tu n'as repêché 14, c'est sûr que c'est pas toutes les 14 qui vont jouer régulier. Mais au moins, tu te dis, regarde, on est allé à la limite, là. Tu sais, moi, je te prends ça, je te donne un exemple, puis tu vas rire, mais c'est pas tout à fait pareil, mais ça se ressemble. Moi, je suis dans trois poules de hockey, pis dont deux gros, là. Mm. Puis là, quand on arrive dans la dernière ronde, là, tu sais, moi, là, exemple, là, dans un des poules, il n'y avait pas personne qui avait repêché des joueurs de Vegas, OK? Là, on est arrivé dans la ronde des éliminatoires parce qu'on a un autre tirage après, puis un autre, on recommence. Ouais. Puis là, moi, j'exemple, là, dans la dernière ronde, hein, c'est drôle à dire, c'est le seul qui me reste, j'ai pas de gars de Vegas, j'ai pris TJ Oshie comme dernier choix. Mon dernier choix, c'est Oshie. C'est lui qui est en train de me traîner. Je suis monté troisième, là. Il y a eu un but deux passes l'autre soir. Il est en train de me traîner. Fait que, tu sais, si on n'avait pas continué de faire des rondes, là, je l'aurais jamais repêché. Parce que Washington, moi, ça fait 3 ans que je me faisais pogner avec eux autres. Fait que là, cette année, j'ai dit non, je prends pas de gars de Washington. Puis finalement, ben là, on avait une autre ronde. Puis là, moi, j'ai repêché un des derniers parce que dans la saison, j'ai fini deuxième. Fait que là, j'ai dit, on va prendre Oshie, t'es encore disponible. Fait que tu sais, ça ressemble à ça un peu quand tu repêches Junior, là. Tu dis, OK, on va prendre lui, puis regarde, là, on verra, là, tu sais. C'est à peu près ça que ça donne. Je sais que c'est pas ça que tu vas entendre, là. Mais pour les dirigeants non, des clubs juniors... Regarde, je suis à peu près le seul qui dit ça, là. Non, t'es pas le seul. Ben, peut-être le seul au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais quand tu fais le tour un peu, les parents seront pas d'accord avec toi. D'abord, les gens qui font du hockey mineur. Ouais. Mais en même temps, je suis pas contre ce que tu dis. Là. Quand t'es là comme coach, là, c'est pas toi qui fais le dépistage, hein. Fait que t'es assis là pis t'es connais pas à moitié, là. Fait que toi, t'as hâte que ça finisse, là, entre toi pis moi, pis c'est pas méchamment quand je dis ça, là. Tu sais, la même chose dans la Ligue nationale. Le coach, il les a pas vu jouer, les joueurs juniors. Lui, il se fie à ce qu'on va lui dire. Penses-tu qu'il est pas tanné, rendu à la sixième ronde, lui, là? Ouais, effectivement. Il est tanné ben raide, là. Comme le journaliste, d'ailleurs, là. Ah ouais, c'est clair. Mais je comprends les deux côtés. Écoute, un qui m'a dit, ouais, mais Jonathan Marchessault a été repêché en 12e ronde par les Remparts de Québec. Oui, puis en même temps, ben il était repêché, puis en plus, je vais t'en dire plus, c'est qu'il était repêché pour faire plaisir à ses parents, là. Ah oui? OK? Ben, c'est ce que quelqu'un bien placé m'a dit, là, quelqu'un de, qui était avec Québec à ce moment-là. Là. OK, OK, OK. Fait que, tu sais, mais ça, c'est, il n'est pas le seul. C'est... Mais il n'y a rien là. Moi, ça me fait assez drôle que tu me dises ça. Tu sais, je voyais un matin, puis j'étais un des rares à parler de Jonathan Marchessault l'an dernier, parce que l'endroit où je fais affaire, mes affaires de vélo, c'est des amis personnels des Marchessault. C'est des Audi Marchessault, hein, son nom? Oui, c'est ça. Ça. Ouais. Et puis, je connais bien son père aussi, mais ben, je connais bien, je le vois plus maintenant, mais tout ça pour dire que, tu sais, suite à son histoire, c'est que le gars de Bégin Performance, il me dit, vraiment ça, tu parles de Jonathan, tu sais, personne n'en parle, puis il c'est un bon petit joueur de hockey, puis il a travaillé fort pour arriver à ce qu'il est arrivé. Non, non, mais tu sais, je lis ça dans le journal le matin, puis le gars en question, je vais lui dire, tu sais, dis à sa mère qu'elle arrête de dire ça. Qui n'a pas travaillé fort dans la vie pour jouer au hockey professionnel ou pour devenir médecin ou pour devenir ingénieur? Mm. Tout le monde travaille fort. Tu sais, c'est pas une raison de dire on est content pour lui parce qu'il a travaillé fort. Mm. Tu sais, toi, pour gagner ta vie, il faut que tu travailles fort. Hein? Tu sais, il n'y a pas personne qui travaille. Mais surtout pour jouer au hockey professionnel, il faut que tu travailles fort. Hein? Ouais, fait que, tu sais, là, quelque part, là, quand tu dis Jonathan Marchessault, 12e ronde, tu sais, d'être repêché quand tu y penses comme il faut. Là. Moi, quand j'ai commencé professionnel, là, ça n'existait même pas le repêchage. Ouais. J'ai joué professionnel pareil. Tu sais, les équipes ont signé des formules C qui appellent dans le temps. Une équipe te mettait sur leur liste, puis tu t'en allais au camp d'entraînement. Tu sais, là, c'est juste un numéro, le repêchage. Hein. C'est plus que ça. Hein. Yannick Jean me disait en fin de semaine... Pas Yannick Jean, puisque je parlais au directeur du recrutement. J'ai fait une entrevue avec le directeur du recrutement des Saguenayens. Puis il me disait, Yannick Jean, lui, il dit qu'il n'y a pas de ronde, qu'il n'y a pas de ronde, puis que tout le monde est sur un pied d'égalité. J'ai de la misère à croire ça, parce que le dépisteur pousse souvent pour son joueur. Ben, c'est-à-dire que les dépisteurs, au total, chaque dépisteur essaye de pousser son gars, OK? Ouais. Comme je te disais tantôt, le coach ou le directeur gérant, oui, ils ont vu plus que le coach. Mais quand ça arrive au camp d'entraînement, ce gars-là, là, le coach, là, il commence pas à demander c'est un quel rang, ça. Tu vas le demander parce que des fois, tu vois un gars aller puis tu dis, il me semble qu'on n'ai pas entendu parler quand on a repêché ce gars-là. Mais tu sais, à quelque part, à partir de la troisième ronde, là, ça se ressemble tous les joueurs, tu sais, parce que là, c'est sûr qu'un premier choix overall, là, c'est pas comme le 28e choix, hein? Non. Parce que, tu sais, il y en a un qui est meilleur que tout le monde. Mais ça, c'est deux rondes max. À partir de la deuxième, troisième ronde. D'ailleurs, les rondes importantes, c'est les rondes où tu commences à choisir ce que tu as besoin. Les deux premières rondes, tu prends, ou les trois premières rondes, même, tu prends ce qu'il y a de mieux, tu sais, ce qui est disponible. Mais à partir de là, tu prends après ça ce que tu as besoin. C'est un coup que tu as repêché les deux meilleurs du repêchage pour ton cas à toi, c'est que après ça, tu regardes ce que tu as besoin. Si c'est un ailier droit, tu demandes au dépisteur-chef, moi, mais le gars, comment on va? C'est un ailier droit? Non, c'est un défenseur. On n'a pas besoin, on a 12 défenseurs. Fait que, ça, c'est les besoins. Rappelle-toi du Canadien, l'année qu'ils ont repêché Roy, Lemieux, Richer, c'est des choix de quoi, ça? Troisième ronde. Deuxième, troisième ronde. Mais c'est là que la guerre se joue, hein? C'est là que la c'est pas même cinquième. Pourquoi les Red Wings de Détroit ont été forts pendant plusieurs années? Ouais, ça, je pourrais t'en parler parce que. Parce que t'avais des Holstrom, t'avais des Niklas Lindstrom, t'avais. Mais je pourrais t'en parler. Parce que Pavel Datsyuk a été repêché loin aussi, je pense, même. Parce que le directeur gérant de Détroit, c'est un ami personnel, j'ai joué avec, je l'ai coaché, puis on en parlait parce que quand je coachais à Shawinigan, il était dépisteur. Tu sais, on s'est reparlé souvent suite à ça, là, mais. C'est que Détroit, là, c'est une histoire qu'on peut même pas raconter. Tu sais, ça arrive pas tous les ans, ça, là. Tu sais, les Datsyuk de ce monde, les Robitailles de ce monde, là, des 32e choix, là, qui deviennent des Hall of Fame, ça arrive pas tous les ans. Non, mais ce que je peux te dire, par contre, tu peux être un Hall of Fame, tu peux être un joueur important, jouer un dans la bonne chaise. Ben, c'est pour ça que je te le disais au début, puis tu sais, tu as parlé à des gens. C'est pour ça qu'un choix de 13e ronde, là, ça peut devenir ton régulier. Moi, le joueur de mon premier trio de la deuxième année que j'étais à Shawinigan, c'est un gars qui a joué midget 2B, Richard Hamelin. Okay. Il a joué midget 2B. Mm. Quand le pisteur chef il me dit, on repère ce gars-là, il a joué où? Moi, il me dit ça. Puis là, je le vois arriver, là, en avant, il était tout petit, mesurait 5 pieds 9, mettons, puis 150 livres. J'ai dit, es-tu sûr de ça? Il dit, je te dis, tu vas le voir aller, il patine, puis il est bon. Ben, tu sais, à quelque part, là, c'est à partir de, tu sais, à un moment donné, là, c'est parce qu'on, pour reprendre ce que tu me demandais au début, là, il faut que tu fasses, tu vides la place des repêcheurs. Fait que t'as pas de remords après ça. Tu dis, regarde, on est allé jusqu'au bout. Un peu comme mon repêchage que je t'ai dit, j'ai ramassé au chien. Regarde, c'est lui qui me traîne présentement, là. Mm-hmm. En tout cas. Moi, je suis pas, regarde, bon, chacun son opinion. On finira pas l'année en chicanant, là. Non. Hey, Washington. Oui. Washington, Vegas. Moi, je vais te dire une affaire. Je trouve ça plate que rendu là. Je suis pas d'accord avec ce que Vegas. Je pense que c'est avec toi, j'en avais parlé aussi. Que Vegas, ouais. Je trouve ça un petit peu ridicule que Vegas ce qu'ils ont fait. Sauf que je disais, rendu là, faut qu'ils gagnent la coupe. Là, je trouvais ça plate à quelque part qu'ils la perdent. Tu comprends? Moi, tellement ridicule que j'espère qu'ils la gagnent pour niaiser à la Ligue nationale. Parce qu'entre toi puis moi, ouais, mais... ça se peut pas là, qu'une équipe arrive première année et ils gagneraient la coupe cette année. C'est une claque sa gueule. Moi, qu'ils ont beau me dire ce qu'ils voudront, là. C'est une claque, ça d'abord. Non, mais rendu là, Joe, j'aimerais les voir gagner. Non? Je suis pas d'accord avec toi pour une raison, c'est que, tu sais, qu'on le veuille ou non, là, puis pense-y deux minutes, puis je pense que j'ai besoin de te dire ça, là. Il y a des gens qui fait 20 ans qui sont dans le hockey, qui font du hockey, ils ont même fait les séries semi-finales seulement. Tu sais, t'arrives à une équipe qui leur donne toutes les chances du monde, puis je répète la même chose que j'ai dit en ondes récemment quelque part. Est-ce que tu penses que la Ligue aurait fait ça pour les Nordiques de Québec, puis leur donner la jamais. Chance? Jamais, parce que Montréal, Molson aurait levé le bout de sa chaise, il aurait dit hey. Fait que tu sais, là, moi, ça m'insulte un peu. Puis même à un moment donné, à parler d'anciens joueurs, ça ressemblait à une Ligue qui voulait donner une chance à l'équipe de gagner quand on voyait l'arbitrage, là, ouais. Qui était tout croche à un moment donné. Fait que tu sais, à quelque part, écoute, si elle gagne, tant mieux pour eux autres, là, mais. Je pense que ça serait plus, comment je te dirais ça, plus de glamour que Washington la gagne la Coupe Stanley. Ça fait quelques années qu'ils se présentent là. Mais là, ce qui fait peur de Washington, quand tu regardes leur record, c'est l'équipe au cours des dernières années qui a perdu le plus d'avance de 3-1 dans la série. Hein. Mm. Tu sais, c'est arrivé contre les Flyers, c'est arrivé contre les Islanders. Dire que ils sont pas sortis du bois, c'est pas fini. Moi, d'après moi, ça finira pas demain soir. Non, moi je dis que ça va finir jeudi soir. Pas jeudi soir, dimanche soir. Ouais, je sais pas quand ça va finir, mais en tout cas, moi, je pense pas que ça finisse demain soir. Mais en même temps, Washington, ils sont sur une poussée. Puis là, tu commences à t'apercevoir que Vegas, ils ont pas de réponse vraiment. Tu sais, tu vois que là, eux autres, ils ont marché toute l'année, leur affaire des vierges sur des bâtons, puis des cibles, des ça. Et là, le seul changement qu'il a trouvé le moyen de faire, c'est de changer Perron pour Tatar. C'est alors que Washington a ajusté leur jeu au jeu de Vegas. C'est que tu remarques que Vegas donnait pas de 3-1 puis de 2-1 dans la saison. Puis là, dans la série contre Washington, ils en donnent. Puis eux autres, de leur côté, ils en ont pas beaucoup des surnombres. Mm. Fait que Washington s'est ajusté. Puis Vegas, ils ont de la misère à s'ajuster parce que là, tu sais, quand ils sont arrivés au début de l'année, là, tu te rappelles peut-être pas de ça, mais quand il a dit, dis-moi, on va jouer à 4 trios. Il n'y a pas de coach au hockey qui va arriver au début de la saison, on va jouer à 4 trios. Quand tu as un bon trio, que tu sais, parce que dans le fin fond, ils ont un trio qui était extraordinaire, là, Marchessault, Riley Smith, puis Carlson. Mais quand tu as un bon trio, tu dis pas au début de l'année, on va jouer à 4 trios. Tu sais que tu as un bon trio qui va jouer plus que les autres. Mm. Fait que, tu sais, quand tu dis que tu vas jouer à 4 trios, c'est parce que tu penses que tu n'auras pas un bon trio à travers ces 4-là. Là. OK. Comprends-tu? Mais là, ils commencent à trouver ça un petit peu différent, puis on peut pas enlever ça à Washington. Ils ont beau dire ce qu'ils voudront le début de match l'autre soir. Oui, ils ont bien commencé, mais là, ils commencent à avoir du sirop d'érable dans les gants. Hein? Ils manquent des buts ouverts, ils lancent sur le poteau, s'ils s'énervent un peu devant le net, alors qu'à un moment donné, c'est tout est facile. Puis je veux ouvrir une parenthèse en passant, que tout le monde dit Vegas. Moi, le premier, je me suis fait le poignet, on en a parlé ensemble, je les voyais pas là. Mais il faut dire une chose, les équipes qui ont battu à part de Winnipeg, c'est des équipes qui ont fini en arrière d'eux autres. Hein. Ouais, c'est... T'sais, Los Angeles a fini en arrière d'eux autres. Il n'y a rien. Moi, je comprends pas que Vegas dise encore on n'est pas favoris. Comment ils sont pas favoris? Ils ont commencé à finir la Coupe. Bon, non, ils l'étaient favoris. Ils l'étaient favoris. Puis Éric Lacroix, écoute, tu parles à l'analyse des matchs du Golden Knights, puis il l'a dit on est favoris. Je comprends pas pourquoi ils m'ont dit. Hey, je veux te parler de Lars Eller. OK? Lars Eller. Montréal, tu sais, Montréal, on dit. Comment que ça se fait qu'il n'a pas fait ça à Montréal? Puis on se pose des questions, puis c'est ici. C'est pas compliqué. Être dans la bonne chaise. C'est. Là, c'est là, c'est un troisième sens. Il n'y a pas le même âge qu'il y avait à Montréal aussi. Puis quand il est arrivé à Montréal, il faut faire attention. je vais te donner un exemple quand tu dis ça. Tu sais, John Leclerc, là, ouais. Il n'aurait jamais fait à Montréal ce qu'il a fait à Philadelphie. Es-tu d'accord là-dessus? Parce qu'il n'y aurait pas eu le même temps de glace. Tu sais, à quelque part, LR, il a vieilli. Il est arrivé, puis lui, là, c'était Washington où il retournait chez eux, hein. Mm. Fait que là, Washington, il a accepté le rôle qu'on lui a donné. Et puis ça a marché. Et ça marche. Mais quand je regarde LR, si tu regardes depuis le début des séries, c'est pas 2-3 matchs consécutifs qu'il joue super bien, tu sais. C'est un gars qui est nonchalant à l'occasion. Mais en même temps, il n'aurait pas fait à Montréal ce qu'il fait là. Parce que c'est pas le même genre d'équipe. Tu sais, ouais. Je te donne un autre exemple. Daniel Doré. Te rappelles-tu de Daniel Doré? Oui, c'est le premier choix. C'était le choix repêcheur. Cinquième au total, on avait choisi au lieu de Martin Gélina. Ouais, ben moi, là, il a fini sa carrière à Chicoutimi. J'avais essayé de l'avoir dans un échange quand il était à Drummondville. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Quand les dépisteurs viennent te voir, quand tu coaches junior, les dépisteurs des équipes de l'INSA viennent te rencontrer et s'informent sur des joueurs. Moi, Daniel Doré, j'ai toujours dit la même chose. Si ce gars-là avait été repêché par une équipe comme Boston ou Philadelphie, c'était les belles années de Boston et Philadelphie, il aurait joué dans l'Innocence, je ne suis pas un star, il aurait été meilleur qu'il était avec les Nordiques. Quand il était repêché par les Nordiques comme premier choix, c'est que là, il embarquait celle-là, c'était 3-0 pour l'autre équipe. C'était pas un scoreur naturel, c'était un gars physique. Tu sais, ça dépend toujours dans quel rôle. Quand tu parles de la chaise, là, ouais. Tu sais, LR à Montréal, il voulait en faire un Jean Béliveau. C'est pas Jean Béliveau, LR, là. À Washington, c'est pas Jean Béliveau non plus, là. Tu sais, il joue son temps de glace normal, comme il devrait jouer. Là, il le fait jouer sur l'attaque à 5 un peu plus souvent quand Backstrom était blessé. Mais en même temps, ça demeure l'âge de l'air. Il ne scorera pas 35 goals à cause de ça, là. Mais il n'aurait pas fait ça à Montréal. Parce qu'à Montréal, il aurait voulu qu'il devienne tout de suite Jean Béliveau. Mais non, c'est pas de même que ça marche, là. C'est pas juste ça non plus. C'est que quand tu es dans la bonne chaise, tu prends confiance, le coach te fait confiance. C'est tout ça. Mais tu sais, le coach entre toi et moi, là, oui, c'est une chose, mais c'est le joueur qui décide ça. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Le joueur, là, moi, j'étais un chialeux un peu quand je jouais, puis si je manquais un chiffre, j'étais pas content. Mais c'est toi qui décides comme joueur qu'est-ce que tu veux être, puis qui. Et d'ailleurs, quand tu écoutes les propos de Barry Truss, il a rencontré, exemple, Smith Pelly, il a demandé à Smith Pelly, c'est quoi tu peux me donner, toi? Mm. Alors, Smith Pelly, là, il se met dans la merde quand il répond à ça, là. Tu sais, s'il dit, moi, je suis capable d'être physique, ben, OK. Après la première période, admettons qu'il le fait jouer, puis il n'a pas été physique, tu l'appelles dans le bureau, puis 2 secondes, il dit, écoute, tu m'avais dit que tu serais physique, tu n'es pas physique pendant tout, là. Alors, tu sais, LR, probablement que, pas probablement, Truss l'a dit, il l'a rencontré, puis il a dit, écoute, c'est quoi tu peux me donner, puis c'est quoi tu peux faire. Puis voici ce qu'il y en est. Alors, tu m'as dit ça, c'est de même qu'on va suivre ça. Fait que, tu sais, mais ça, ils ont, à 20 ans, là, il est arrivé à Montréal, il devait avoir 20 ans, LR, je ne me rappelle pas, là. Puis il arrivait de l'échange d'Alac. Puis rappelle-toi, il arrivait de l'échange d'Alac. Alac, donc. Donc exact. Ça, j'avais oublié ce bout-là. Il arrivait de Saint-Louis. Il était joueur clé dans l'échange d'Alac. Ben oui, ben oui, je me rappelle. Puis moi, je me rappelle d'avoir entendu des gens à l'antichambre. Il y en a un dont j'oublie le nom, un commentateur, un animateur de radio. Il arrêtait pas de dire, c'est un jambon, LR. C'est pas un jambon, LR, là. Il n'y a pas de jambon dans les nationales, là. L'année nationale, quand t'es rendu là, c'est parce que t'es bon, là, que ce soit en 1920 ou en 2018, t'es de calibre. LR, c'est un bon joueur de hockey. Ben, c'est parce que, ouais, mais c'était plus fort pareil, là. On va te dire un c'était plus fort dans les années, des années 50, 60 qu'aujourd'hui. Un Boum-Boum Coron aurait fait la Ligue nationale. Boum-Boum Coron qui vient de Lebeau. Mêlé à 30 équipes, puis à 8 équipes. La Ligue est plus forte à 6 équipes. Tu comprends ce que ça veut dire? Ben moi, quand j'ai joué, il y avait 12 équipes. Il m'a dit en affaire, à 12 équipes, là, ça revenait souvent contre la même équipe. Fait que c'était plus difficile. Il faut pas oublier quand les gens disent, ouais, mais maintenant, il y a les Européens. C'est qu'il y avait beaucoup de Nord-Américains qui pouvaient jouer aussi au hockey, qui n'ont pas joué. Tu sais, qui n'ont pas fait la Ligue, puis parce qu'il manquait d'équipe, là, puis qui n'ont pas fait les mineurs parce qu'il y avait plus de place. Dans les mais t'as connu Boum Boum Coron, toi? Ben voyons, j'ai joué avec. OK. Boum Boum Coron, mais là, en 2018, il jouerait dans la Ligue nationale. Comme plusieurs, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a 32 équipes, là, tu sais. Moi, quand j'entends des jeunes encore aujourd'hui dire qu'ils n'ont pas eu leur chance, que le coach ne leur a pas donné leur chance. Écoute, il y a 32 équipes dans les nationales. Ouais. Il y en a 32 dans la Ligue américaine. Il y en a 32 dans East Coast puis West Coast League. Ça veut dire, c'est 3 × 2, 6, 3 × 2. Ça fait 96 équipes. Mm. Là, c'est le coach qui n'a pas donné ta chance. T'as pas fait aucune des 96 équipes. Alors, pas bien, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. Oui. Fait que, alors que dans le temps, moi, quand j'ai été changé à Montréal puis m'envoyé à Halifax, la Ligue américaine, il y avait moi, je me rappelle, Claude Ruel nous disait, On aurait battu peut-être une équipe comme dans le temps des Islanders, peut-être, ou les Canucks de Vancouver. On avait une bonne équipe dans les mineurs. Larry Robinson était notre cinquième défenseur. Tu sais, il y avait du stock dans la Ligue américaine. De Brad Park, qui jouait à Buffalo, là. Tu sais, Brad Park, ce que je cherche dans le Hall of Fame, là, il a joué à Buffalo dans la Ligue américaine. Fait que, tu sais, là, aujourd'hui, de dire ça, c'est parce que c'est comme j'ai rencontré quelqu'un récemment qui me dit, es-tu jaloux de ça, mettons que tu vois un gars comme Marchessault, 5 millions par année? Je peux pas être jaloux, c'est pas mon époque. Non. Tu sais, on n'est pas dans la même époque. Hein? Penses-tu qu'Henri Richard, toi, quand moi, exemple, un chaudron comme moi signé avec Oakland, 25 000 par année, en 69, qu'Henri Richard va dire, c'est qui ce chaudron-là? Il a même pas gagné ça à Montréal, lui, Henri Richard. Mais c'est pas la même époque. Ouais, il y a eu un petit peu de, hey, on fait du coq à l'âne en maudit, là, mais il y a eu un peu. Ce qu'on dit, là, je sais pas, j'étais trop jeune, mais ce qu'on dit, c'est que Guy Lafleur était en TABERNAC quand il a su le salaire de Pierre Bouchard. Ouais, ça, je l'ai entendu dire, là. Non, mais ça, j'ai déjà entendu ça aussi, ça, là? Oui, mais tu sais, là, ça, en même temps, ça, c'était la mode du temps, puis c'est des choses qui ont changé. C'est que dans le temps aussi, c'est qu'exemple, ça, c'est par après qu'ils ont dit ça, parce qu'il l'a su probablement quand il a vu le talon de chèque. Je ne m'en veux pas de l'histoire exacte, mais Guy me l'avait déjà raconté, parce qu'on a fait une école d'hockey ensemble avec Jean-Claude Tremblay dans le temps. Mais tout ça pour dire qu'avant ça, l'évaluation, c'était que quand tu arrivais dans le hockey professionnel pour signer ton contrat, il disait, mettons, l'ailier droit le mieux payé dans la Ligue sans te donner le nom, gagne, je te donne un chiffre, là, c'est pas ça, gagne 55 000. Le meilleur ailier droit de la Ligue, là, selon l'évaluation des équipes, gagne 55 000 par année. Alors, toi, on t'offre X. Toi, ton agent devait t'évaluer selon ce que le gars qui gagnait 55 000 et toi. Aujourd'hui, il donne le salaire de tous les joueurs. Que ce soit le meilleur, le moins bon, le deuxième meilleur. Alors, ça change les données un peu, puis ça fait moins de chicane. C'est qu'avant, là, tu savais pas. Il disait, l'ailier droit le mieux payé gagne 55 000. Toi, dans ton équipe, t'étais un des bons ailiers droits, supposons, puis il t'offrait juste 30 000. Mais là, tu disais, voyons, mais là, ça veut, tu sais, entre le 55 000 et ton 30 000, il y en avait d'autres ailiers droits dans la ligue aussi, là. Ouais, comprends-tu? Alors qu'aujourd'hui, t'as plus ce problème-là. C'est que tout le monde sait le salaire de tout le monde. Ouais. C'est sûr. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'énervement. T'as beau être centre, défenseur, goaler, troisième goaler. Tout le monde sait combien il gagne. Puis on s'en va avec ça. Ouais. Joe, on s'en reparle. Oui, on s'en reparle très intéressant. Ça fait déjà 22 minutes qu'on se parle, Joe. On va s'en reparler, puisque c'est le repêchage qui s'en vient bientôt. All right, Jonathan. Notre collaborateur, Joe Hardy.